Madame, vous n'arrivez pas à comprendre les sous-entendus de l'homme qui vous invite à dîner. Il vous complimente, mais vous sentez que ses intentions ne sont pas les bonnes. La nouvelle application OK Poodle est faite pour vous. Tu sais, ta robe est magnifique. Je veux te déshabiller. Grâce à son détecteur de mouvement et d'analyse de température corporelle, l'application OK Poodle traduit pour vous les pensées de votre interlocuteur. J'aime beaucoup discuter avec toi. J'aimerais mieux te connaître. On couche ensemble ce soir. Doté d'une intelligence artificielle élaborée par la NSA sur le schéma neuronal de Rocco Siffredi, l'application OK Poodle vous indique les intentions véritables de votre rendez-vous d'un soir. J'ai l'impression que nous sommes connectés. J'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre. Je suis tout dur. Ne faites plus d'erreurs avec Poodle Life. Ça va pas la tête.